Le 7-9 sur France Inter. Bonjour François Moret. Connard crétin. Merci. Bonjour Patrick. Ah, ça commence bien. Connard crétin, un sondage récent indique que ce sont les insultes les plus courantes et sans doute les plus efficaces de la langue française. Des sondages, on en trouve surtout. Ce sont des connards qui les font, ce sont des crétins qui les lisent, notamment moi. Le connard, si j'ose dire, a détrôné le con, ce qui est une bonne nouvelle. Aucune ambiguïté sexuelle dans le terme connard, qui, jamais, ne sera le sujet d'un blason. Le crétin n'est pas forcément des Alpes, comme l'andouille n'est pas forcément de Vire, même si elle est, à mon avis, indépassable. Connard crétin, vous êtes au volant de votre voiture, au guidon de votre bicyclette, dans vos chaussures de piéton. À chaque instant de la vie, vous avez l'occasion de convoquer ces mots indispensables, essentiels à la vie en collectivité. Vous lisez le journal, vous regardez la télévision, vous écoutez la radio pour exprimer votre sentiment face à une analyse politique, à l'arrogance imbécile d'un présentateur télé, à la vacuité d'un chroniqueur. Connard crétin, on fait pour mieux. Vous traversez à pied alors que le petit bonhomme est encore rouge. Vous coupez la priorité à bicyclette. Vous roulez tandis que le feu n'est plus au vert. Pour gérer la parole entre piétons, cyclistes, automobilistes, connards, crétins. Pour organiser le réseau relationnel entre les divers usagers de la route, connard crétin, c'est indépassable, c'est inéluctable, c'est insurmontable. Connard crétin, ce sont des jolis petits mots qui sonnent bien, qui résonnent bien. Deux syllabes, pas plus, ramassées, expressives, énergiques. Connard crétin, des mots qui ont l'évidence de la perfection, la certitude de l'excellence. Connard crétin, il rime avec banlieusard ou avec bouquetin, avec flemmard ou margotin, avec gueulard ou cabotin, avec froussard ou calotin, ringard ou philistin. Connard crétin, ils sont positivement indispensables dès que vous fréquentez les cours de récréation ou la chambre des députés. Que ferait-on sans les connards? Comment survivrions-nous sans les crétins? Mais il peut arriver dans certaines circonstances que vous ayez besoin d'utiliser des mots plus choisis. Évitez de dire crétin, connard lors d'une remise de prix, de l'attribution d'une décoration ou à l'heure du thé chez la duchesse de Montpensier. Dans ces cas-là, préférez un style un peu plus désuet. Oubliez connard, omettez crétin, dites anachorète, aigrefin, dépendeur d'andouille, gourgandine, grue, chenapon, ironie de la création, cul de babouin. Non, pas cul de babouin. Si vous êtes dans l'une ou l'autre de nos belles régions de France, vous pouvez également adapter votre vocabulaire à la spécificité locale. Aspirateur à muscadet fera son effet principalement en Loire-Atlantique. Siphon à Beaujolais aura son succès si vous arpentez le Rhône ou le sud de la Saône-et-Loire. Tandis que pompe à pastis en PACA trouvera naturellement ses destinataires. Quelle que soit la région de France où vous demeurez, utilisez avantageusement brosse à chiottes, face de paix, scaphandrier d'eau de vaisselle. Je n'insisterai pas sur toutes les injures scatologiques, il serait malvenu d'entendre sur le service public des expressions aussi déplacées que merdeux, merdasse, merdaillon, merde molle, pompe à merde, merdophile, ainsi que toutes les déclinaisons imaginables et infinies. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin afin de conclure admirablement un 7-9 qui avait passé sous silence ce sondage important concernant les connards et les crétins. Que vous entriez vous-même dans l'une ou l'autre des catégories ou que vous y aspiriez, je vous souhaite une bonne journée. Pareil. Merci.